Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 7. Et le Seigneur dit à Moïse, « Voilà que je t'ai établi le Dieu de Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu leur diras tout ce que je t'ordonne. Et lui parlera à Pharaon, afin qu'il laisse les enfants d'Israël s'en aller de son pays. Mais moi j'endurcirai son cœur. Et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans la terre d'Égypte. Et il ne vous écoutera point. Et je lancerai ma main sur l'Égypte, et je retirerai mon armée et mon peuple, les enfants d'Israël, de la terre d'Égypte par de très grands jugements. Et les Égyptiens sauront que c'est moi le Seigneur qui aurai étendu ma main sur l'Égypte et retiré les enfants d'Israël du milieu d'eux. » C'est pourquoi Moïse et Aaron firent comme avait ordonné le Seigneur. Ainsi agirent-ils. Or Moïse avait 80 ans, et Aaron 83 quand ils parlèrent à Pharaon. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Quand Pharaon vous dira, montrez des signes, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle sera changée en serpent. » Moïse donc et Aaron, étant entrés auprès de Pharaon, firent comme avait ordonné le Seigneur. Aaron jetant la verge devant Pharaon et ses serviteurs, et elle fut changée en serpent. Mais Pharaon appela les sages et les magiciens. Et ils firent eux aussi pareillement par les enchantements égyptiens et par certains secrets. Ils jetèrent chacun leur verge, et elles furent changées en serpent. Mais la verge d'Aaron dévora leur verge. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, comme avait ordonné le Seigneur. Or le Seigneur dit à Moïse, « Le cœur de Pharaon s'est endurci. Il ne veut pas laisser aller le peuple. Va vers lui dès le matin. Voilà qu'il sortira pour aller vers l'eau. Et tu te présenteras à sa rencontre sur la rive du fleuve. Et la verge qui a été changée en serpent, tu la prendras en ta main, et tu diras à Pharaon, « Le Seigneur, Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi. » Disant, « Laisse aller mon peuple. » afin qu'il me sacrifie dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas voulu écouter. Voici donc ce que dit le Seigneur. En ceci, tu sauras que je suis le Seigneur. Voici que je frapperai de la verge qui est en ma main l'eau du fleuve, et elle sera changée en sang. Les poissons même qui sont dans le fleuve mourront, et les eaux se corrompront, et les Égyptiens qui boiront de l'eau du fleuve souffriront beaucoup. Le Seigneur dit aussi à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, et sur leurs fleuves, et sur les ruisseaux, et les marais, et sur tous les lacs des eaux, afin qu'ils soient changés en sang, et qu'il y ait ainsi du sang dans toute la terre d'Égypte, tant dans les vases de bois que dans les vases de pierre. » Et Moïse et Aaron firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Et Aaron, levant sa verge, frappa l'eau du fleuve devant Pharaon et ses serviteurs. Et elle fut changée en sang. Et les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve se corrompit. Et les Égyptiens ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans toute la terre d'Égypte. Les magiciens d'Égypte firent pareillement par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme avait ordonné le Seigneur. Il se retira, et il entra en sa maison, et ne prit pas la chose à cœur encore cette fois. Or tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et il se passa 7 jours entiers après que le Seigneur eut frappé le fleuve. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.